Bonjour. Comme on l'a mentionné, on continue avec le livre de Marc ce matin. On va terminer le chapitre 1. Merci Jean-François. Donc le but de l'évangile de Marc, bon, d'entrée de jeu, l'auteur ne cache pas son but. Hein, c'est de proclamer l'autorité proprement divine de Jésus-Christ. Et cette autorité-là est manifestée en premier lieu dans ses paroles, hein, dans son enseignement. Et c'est un enseignement qu'on remarque qui est à nul autre pareil. L'enseignement de Jésus, il se compare à personne d'autre. On sait que les hommes étaient frappés par sa doctrine. Ça, c'est l'Écriture qui nous dit ça. Parce que l'Esprit du Seigneur était en lui. Puis, naturellement, jamais aucun homme a parlé comme Jésus, comme jamais aucun homme ne parlera après lui non plus comme il l'a fait. Et jamais aucun homme non plus n'a pu approcher de sa transcendance. Désolé pour le mot, mais je n'ai pas trouvé mieux. Donc, juste en elle-même, là, les paroles étaient suffisantes pour attester de l'autorité divine de Jésus. Mais Dieu a cru bon quand même de marquer, d'accentuer ça, hein, de marquer les esprits en étendant l'autorité de Jésus bien au-delà du Verbe. C'est ainsi qu'il a reçu le pouvoir, Jésus. Hein, il a reçu le pouvoir d'accomplir des actions prodigieuses, des actions extraordinaires au regard des foules. Et les versets 21 à 45 du premier chapitre qu'on va étudier aujourd'hui, bien, ça nous rapporte quelques-unes de ces actions prodigieuses, seulement quelques-unes des actions prodigieuses que Jésus a accomplies. Ce Jésus qui a accompli des actions prodigieuses, qui atteste qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qui atteste de façon éclatante. Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu sur terre parmi les hommes afin d'annoncer la bonne nouvelle de la repentance et du salut. La bonne nouvelle de son salut. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Afin que tous ceux qui croient en lui, ben, soient purifiés. Ça, c'est un terme qu'on va revenir tout à l'heure, le mot « purifier ». Là. Donc, que tous ceux qui croient en Jésus soient purifiés de leurs péchés et réconciliés avec son Père pour l'éternité. Donc, c'est ce que nous révèlent les versets 21 à 45. Là. C'est vraiment trois miracles qui sont accomplis par Jésus, qui attestent de sa puissance. Qui attestent de sa puissance afin que Jésus, son discours, ce qu'il a à dire, ça soit pris au sérieux par tous ceux qui en sont témoins. Trois miracles, autrement dit, là, qui vont démontrer son autorité divine en tant que Fils de Dieu venant apporter aux hommes le baptême de la repentance. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Non, je n'afficherai pas le plan tout de suite. On va commencer par lire le passage. Alors, je vous invite à tourner. Premier chapitre de Marc, verset 21. Et je vais le lire comme à mon habitude. Donc, je commence. Ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, attention au genre et au nombre ici, là, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? » Une nouvelle doctrine. Il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main, et à l'instant la fièvre la quitta. Puis elle les servit. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche, et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent ». Il leur répondit « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti ». Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Un lépreux vint à lui, et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt la lèpre le quitta, et il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Et lui dit « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Je vous affiche ici le plan de ce qu'on vient de lire. Mais ce dont je vais traiter ce matin, ça ne suivra pas exactement ce qui est mentionné ici, puisque je vais me concentrer sur trois miracles, et je vais les aborder miracle par miracle. Mais quand même, pour votre visualisation du chapitre, je vous affiche quand même les principales parties. Donc, les évangiles de Marc et l'évangile de Matthieu, les évangiles de Marc et Matthieu sont assez proches en termes de contenu. Recoupent des événements semblables. Ils suivent à peu près le même ordre. Cependant, leur approche est différente, parce que Marc met davantage l'accent sur les miracles, sur les actions de Jésus. Et il le met en scène dans un style assez vivant, assez pittoresque. Il y a plus de 19 miracles qui sont recensés dans le livre de Marc. Et contrairement aux évangélistes, aux autres évangélistes, là, Matthieu, Luc et Jean, Marc va assez peu parler des prophéties. Il y a très peu de paroles rapportées de Jésus dans Marc également. Et quand il y en a, ce sont des citations assez courtes. Le chapitre 1, par exemple, qu'on vient d'achever, le chapitre 1 ne cite que des commandements de Jésus ou des exhortations de Jésus, souvent l'impératif. Regardez-les, là, je les ai quand même notés au verset 15, 25, 38, 41, 44. Vous remarquerez, ce sont des paroles très courtes de Jésus, souvent au style, au temps de l'impératif. Parce que le livre de Marc nous montre Jésus en action. Il insiste, le livre, sur les œuvres puissantes de Jésus. Jésus, c'est un serviteur à l'énergie inlassable, un serviteur de Dieu, mais aussi un serviteur de l'homme. Christ, c'est un prophète au milieu des hommes, et sa vie est décrite comme étant riche en bonnes œuvres. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, dès le premier verset du livre, dès le premier verset de l'Évangile, Jésus est présenté comme étant Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Et ensuite, plus tard, viennent quelques paroles qui sont tirées du prophète Ésaïe et qui le concernent, qui montrent que Jean-Baptiste est le messager qui devait préparer le chemin avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus. Puis ensuite, Jésus va être baptisé dans le Jourdain par Jean. C'est raconté de façon très brève. Par la suite, on passe à la tentation au désert, encore une fois très rapidement. Puis, va commencer le ministère en Galilée avec le choix de 4 disciples. Au verset 16 à 20. Si on compare avec les autres évangiles, Marc saute directement au ministère en Galilée à partir du verset 14. Donc, le livre va passer complètement sous silence le ministère initial de Jésus, qui est relaté dans l'Évangile de Jean, par exemple, chapitre 2. Et tout cela nous amène rapidement au verset 21 et 45 qu'on vient de lire. Et là, je vais tomber un peu dans l'érudition. C'est cette série de versets qu'on vient de lire, ça regroupe des petits récits unifiés qu'on appelle des péricopes. Des péricopes, ce sont des récits qui sont centrés autour d'un thème qu'on a choisi de regrouper ainsi. C'était utilisé autrefois dans la liturgie, mais bref, c'est comme ça qu'on appelle ça en jargon théologique, ce sont des péricopes. Donc, on en a deux ou trois là, péricopes qui se suivent l'un à la suite de l'autre. Et dans ces péricopes-là, ce qu'on remarque, c'est que de plus en plus, Jésus va manifester son autorité. En parole, mais aussi en acte. Par exemple, tous les récits des versets 21 à 45 sont localisés en Galilée. Et ça commence à la synagogue de Capernaum. Donc, Jésus va y enseigner, va délivrer un homme sous l'emprise d'un esprit démoniaque. Après cette manifestation-là de son autorité, vont se succéder d'autres actes miraculeux qui vont être accomplis dans Capernaum et un peu plus loin, dans l'arrière-pays de Galilée. Jésus va se promener. Il va avoir des guérisons, il va avoir des délivrances de possessions démoniaques. On remarque, par exemple, que la belle-mère de Simon-Pierre va être guérie de façon miraculeuse, ainsi qu'un grand nombre de malades, ainsi qu'un grand nombre de démoniaques. Et tout ça n'est pas détaillé. On n'en a pas le nombre exact. On ne sait pas non plus quand est-ce que ça a été fait exactement. Sauf pour la belle-mère, évidemment. Parce que la belle-mère, c'est important. Il faut le noter. Et le chapitre va s'achever avec un autre type de miracle qu'on n'a pas vu jusqu'à maintenant, qui est, parce que ça a une charge symbolique assez forte, c'est la purification d'un lépreux. C'est un miracle à part, celui-là. Oui, d'accord, vous allez me dire que c'est une guérison, mais je ne la traite pas ainsi. Il s'agit d'une purification que Jésus a effectuée ici. Et dans le contexte hébraïque, ça a toute son importance. Et pour notre contexte à nous aussi, je vais vous le signaler. Mais on va repasser sur les différents miracles, parce que c'est ça que je veux faire aujourd'hui. Il y a les miracles par miracle, et illustrer en quoi ça établit l'autorité de Jésus, tout ça. Parce que Jésus a le pouvoir de chasser les démons, on l'a vu. Jésus a le pouvoir de guérir les corps, mais aussi Jésus a le pouvoir de les purifier, ces corps-là. Et c'est comme ça qu'on va procéder. Donc, voici une carte de la Galilée. Pas besoin de l'étudier en détail, juste pour vous situer un peu, c'est où. Au sud-ouest, vous avez Nazareth. Nazareth, on continue d'avoir des doutes sur son emplacement antique. On sait où est le Nazareth d'aujourd'hui, mais le Nazareth de l'Antiquité, on ne le sait pas vraiment avec précision. Par contre, le Capernaum de l'Antiquité, on sait très bien où est-ce qu'il est. Vous voyez, il est complètement au nord du lac de Tibériade. Mais la grosse ville de l'époque, en Galilée, c'est Tibériade. Capernaum, à l'époque, ça compte entre 1000 et 1500 habitants. À peu près. Comment on fait pour évaluer ça? Bien, on sait à peu près quelle dimension faisait la ville à l'époque. On a retrouvé des ruines. On sait l'étendue de la ville et on sait qu'une ville de cette étendue-là peut nourrir environ combien de personnes. On est capable d'établir ça avec une certaine précision, disons une échelle. Donc, on va commencer par un premier type de miracle que Jésus opère, c'est-à-dire chasser des démons. Pendant ce temps-là, je vais vous donner un peu de lecture. On remarque que Jésus va chasser des démons entre il y a un premier épisode entre le verset 21 et 28, mais il y a aussi une autre séquence au verset 32 et 34. Bien, tout d'abord, le texte va nous révéler que l'autorité de Jésus, ça repose tout d'abord sur le pouvoir, sur la possibilité, le fait qu'il puisse commander aux esprits impurs. Ni moi, ni personne d'entre vous ici, je crois, vous pouvez le faire, mais Jésus peut le faire, lui. Parce que tout pouvoir lui a été donné par son Père, dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est mentionné dans Matthieu 28. Donc, Jésus est investi de la puissance nécessaire pour intervenir contre les esprits malins, les esprits du mal. Lorsque Jésus et ses disciples sont arrivés à Capernaum, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'entrer dans la synagogue. Dans certaines traductions, on a même le mot « aussitôt ». Dans la seconde, je pense que c'est « d'abord » qu'on a. Bref, très peu de temps, Jésus ne brette pas, il rentre tout de suite dans la synagogue, et qu'est-ce qu'il s'en va faire? Il s'en va enseigner. Ça montre qu'une personne qui pénétrait, qui était fondée dans les Écritures, avait quand même la possibilité de prendre la parole et d'enseigner le texte, même s'il était étranger. Et Jésus va y enseigner et ça va étonner ses auditeurs. Ça ne manquera pas de les stupéfier même. Et je le cite, « Car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. L'enseignement de Jésus détonnait sur tout ce qu'ils avaient entendu jusqu'à maintenant. » Ça, c'est au verset 22. Pourquoi? Parce que c'est facile à comprendre. Jésus lui-même est la parole de Dieu. Qui est mieux placé que lui-même pour l'illustrer sa propre parole? En plus de ça, tout en Jésus est parfait. Donc, rien ne vient entraver le travail de l'Esprit. L'Esprit peut se mouvoir avec une parfaite liberté dans l'instrument parfait qu'est Jésus. Et les deux sont en unité. Alors, forcément, tout ça, ça donne un caractère proprement divin à son enseignement. Entièrement placé sous l'autorité de la parole de Dieu. Donc, Jésus, on s'en doute, avait toute l'assurance et toute l'éloquence nécessaire pour convaincre tous ceux qui l'entendaient à propos de lui-même, parce que Jésus parlait à propos de lui-même. Bien vite, après l'enseignement ou durant l'enseignement de Jésus, on remarque une réaction. C'est que la présence du Fils de Dieu dans la synagogue, ça ne pouvait pas manquer de susciter une réaction, celle de Satan, à travers un démoniaque. Donc, un démoniaque qui est ajusté sous l'impulsion du démon qui le domine. Et c'est ainsi que ce démoniaque-là va s'écrier, « Qu'y a-t-il entre nous et toi? » Il ne dit pas « entre moi et toi », il dit « entre nous et toi, Jésus de Nazareth. » Et d'autres versions vont rendre ça par « En quoi avons-nous affaire à toi, Jésus nazarénien? » Le démon continue, « Tu es venu pour nous perdre. » Je sais qui tu es, le Saint de Dieu, loin de Dieu, le Fils de Dieu. On se souvient que lors de la tentation au désert, Jésus a déjà remporté une victoire sur Satan, une pleine victoire. Donc, il peut agir maintenant en pleine autorité à l'égard des démons, puisque Satan lui-même est lié. Et la déclaration du démon, ça nous révèle aussi quelque chose d'intéressant à propos du diable. Le démon va d'abord souligner l'incompatibilité absolue entre Satan et Dieu. Hein? Qu'y a-t-il entre nous et toi? L'incompatibilité entre les ténèbres et la lumière. Il va dire ensuite, « Es-tu venu pour nous perdre, pour nous détruire? » Donc, le démon lui-même fait l'aveu ici de ce qui l'attend. Qu'est-ce qu'attend le diable et ses anges? Ils le savent déjà ce qui les attend, la destruction. Ils en sont conscients. Donc, les démons, les anges déchus, ils connaissent le jugement inévitable qui les attend. Qui les attendent, je devrais même dire. Ils sont condamnés, ils connaissent déjà leur juge dans la personne de Jésus. Le Fils de l'homme, Jésus, il a reçu tout le pouvoir de son Père d'exercer le jugement, d'ailleurs. Et c'est lui qui va les juger. C'est pourquoi dans Jacques 2, on peut lire que les démons savent que Dieu existe et ils frissonnent ou ils tremblent. La déclaration « Je te connais » ou « Je connais qui tu es, le Saint de Dieu », c'est un témoignage, la raison pour laquelle il est au jeu ici, c'est un témoignage qui vient de Satan lui-même. Mais ce témoignage-là ne peut être reçu par le Seigneur. Et pourquoi? Parce que Jésus va le menacer en lui disant « Tais-toi, il sort. » Il l'empêche de parler. Et plus tard, il va recommencer, il va les empêcher de parler. Parce que pas plus que Jésus n'a pu céder aux tentations du diable dans le désert, il n'est pas question non plus que Jésus reçoive le témoignage des démons et du diable à propos de lui-même. il n'est pas question de s'associer avec eux. L'identité de Jésus ne saurait être définie par le père du mensonge. En aucun cas. Aucune collaboration n'est possible, ni acceptable. Pourtant, on le sait, Jésus est le Saint de Dieu. Mais ce n'est pas au démon de le proclamer. Jésus, le Saint de Dieu, et ça, c'est proclamé dans Jean 6, 69. Donc ça, c'est un premier type de miracle, les démons. On va passer à la guérison des malades. Parce que l'autorité de Jésus, ça ne s'exerce pas seulement sur les forces du malin, ça s'exerce aussi sur les corps. Donc, après le passage de la synagogue et l'épisode avec le démoniaque, Jésus va continuer son activité inlassable. Il va continuer de se dépenser. Je vous signale là, que l'action qu'on est en train d'étudier, là, à partir du verset 21, ça va se dérouler sur une journée et une nuit, jusqu'au verset 40, ou 39. Donc, c'est court. Il y a beaucoup de choses qui se passent en peu de temps. Et on devine, Jésus ne dort pas ou ne dort très peu. Probablement qu'il ne prend pas le temps de manger non plus. Donc, les versets 21 à 38, c'est ça. Ça occupe l'espace d'une journée et d'une nuit. Et l'Évangile de Marc va ici enchaîner très rapidement les événements. Donc, on a un premier épisode de guérison miraculeuse qui va avoir lieu dans la maison de Simon-Pierre à Capernaum. Et cette maison-là est spéciale parce qu'elle va revenir plus tard dans d'autres passages de l'Évangile. Jésus va en faire presque son quartier général pendant son ministère en Galilée. Plusieurs fois, les disciples et Jésus vont se rassembler dans cette maison-là. Jésus va se sentir chez lui. Donc, en entrant dans cette maison-là, Jésus va trouver la belle-mère de Pierre qui est couchée. Elle est affligée par une fièvre. Pas un rhume, une fièvre. Et la situation était suffisamment préoccupante pour qu'on la rapporte à Jésus. On sait que l'autorité de Jésus, ça s'exerce sur la maladie parce que rien n'est impossible pour le Seigneur. Donc, Jésus, en la prenant par la main, la belle-mère, il va la faire se lever et aussitôt la fièvre va la quitter. Donc, Jésus n'a pas fait de grand geste. Il n'a pas fait de grandes imprécations, il n'a pas prononcé de formule magique. Non, sans même prononcer une parole, Jésus va rétablir la femme qui peut faire quoi? Elle prend une semaine off, puis elle s'en va dans le sud? Non. Elle reprend immédiatement son activité. Donc, c'est un simple geste en apparence. Mais c'est une action qui est suffisamment extraordinaire pour que ça marque tous les témoins et que c'est suffisamment extraordinaire pour que Marc l'inscrive dans son évangile, ou dans l'évangile de Dieu. D'ailleurs, le texte ne nous dit pas de quelle sorte de fièvre il s'agissait ici, quelle était sa nature, ni quelle en était la cause, on l'ignore. Mais on se doute que ça ne pouvait être ni banal ni passager. De toute façon, toute fièvre brûlante à cette époque-là, particulièrement au 1er siècle, était à prendre au sérieux. Donc, la nouvelle de la guérison de la belle-mère, je ne sais pas si ça a rapport à cause de la belle-mère, mais bref, cette guérison miraculeuse de la belle-mère n'est pas restée longtemps secrète, puisque la population de la ville va l'apprendre très vite. Et attention, le soir même, on se doute que la guérison a eu lieu pendant l'après-midi, peut-être, et le soir même, toute la ville est aux portes de la maison. Je vous rappelle, combien j'ai dit qu'il y avait d'habitants à Capernaum tout à l'heure, à peu près? À peu près entre 1000 et 1500. Ça fait quand même du monde. Et tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils apportent leur démoniaque, ils apportent leur malade dans l'espoir qu'ils soient présentés à Jésus et que Jésus les guérisse. Et pourquoi le soir en particulier? Il faut se rappeler que dans les pays chauds, le soir, c'est propice pour sortir. Donc, c'est ainsi que la ville tout entière est rassemblée à la porte de la maison de Simon, aussi appelé Pierre. Et sans refuser personne, qu'est-ce qu'on remarque? Jésus les guérit. Il guérit les malades, il chasse les démons. Donc, Jésus se met au travail. Et ce passage-là qui va du verset 32 au verset 39, en passant, ça nous laisse seulement entrevoir le grand nombre de miracles que Jésus a accomplis ici. On n'en a pas le nombre précis. Et il se pourrait qu'ils ne soient pas tous relatés non plus. Et ce n'est pas étonnant, Jean, chapitre 20, verset 30, Jean a fait lui-même l'observation en mentionnant que, en faisant allusion à de nombreuses guérisons qui ne sont qu'évoquées. Donc, l'intensité de Jésus dépasse largement le cadre des récits évangéliques. Il faut en être conscient. C'est vraiment une sélection de miracles qui sont mentionnés dans les évangiles. C'est loin de contenir toutes les actions que Jésus a réellement faites. Donc, Jésus a le pouvoir de délivrer des démons, mais il a aussi le pouvoir de soulager les corps, de guérir, de soulager des souffrances, de guérir des infirmités qui affligent les corps. Il y a ce pouvoir-là, Jésus. Et c'est un pouvoir qui est divin, qui atteste de son autorité divine encore. Et tous ces miracles de guérison-là, souvenons-nous, Jésus ne les accomplit pas au hasard, au fur et à mesure des gens qu'il rencontre. Tout ça, ça a un but aussi, hein? C'est d'attirer l'attention des foules sur ce que Jésus va dire, sur ce que Jésus va enseigner. Les miracles ont aussi un but didactique. C'est d'attirer l'attention des foules pour les rendre propices à recevoir l'enseignement de la parole de Jésus et de prendre surtout son autorité au sérieux. Et les miracles, finalement, attestent aussi que Jésus est bien le Messie qui était attendu. On remarque aussi que lors de la délivrance du démoniaque de la synagogue, là, entre le verset 21 et 28, au verset 28, il est mentionné que la renommée de Jésus s'était répandue dans toute la Galilée. Et on sait aussi que la population de Capernaum n'était pas en reste puisqu'elle s'était rassemblée à la porte de Simon et qu'elle avait eu largement sa part de miracles, elle aussi. Et toute cette multitude-là, cette renommée-là de Jésus qui se répand dans le pays alentour de Capernaum et dans toute la Galilée, bien, ça atteste, c'est vraiment un témoignage éloquent rendu à la puissance divine de Jésus. Et on se rappelle, cette puissance-là de Jésus, cette autorité-là qu'il détient, il ne la détient pas de lui-même, il la détient de son Père. Et dans tout le chapitre, on remarque que Jésus reste dans une parfaite unité avec son Père. On peut le voir au verset 35, lorsqu'il se retire pour prier. C'est un moment de prière, d'ailleurs, qui va être interrompu. Jésus n'a même pas le temps de prier. Il n'a même pas le temps de terminer. Il se fait déranger par ses disciples en se faisant dire, « Bien, tout le monde te cherche, là, t'étais où? Hein? » Mais Jésus, c'est vraiment, on remarque que c'est un serviteur parfait. Il est obéissant vers son Père. Il dépend en toute chose de son Père. Et son dévouement est remarquable. Je l'ai mentionné, là, il guérit tout le monde, il rend service à tout le monde, il ne refuse personne. Mais dans tout ça, ce qu'on remarque, c'est que Jésus ne tire pas sa satisfaction d'accomplir des choses qui le rendent populaire. Non, sa satisfaction vient de l'accomplissement de la volonté de son Père. Sa satisfaction ne réside pas dans les acclamations de la foule qui est étonnée par les miracles qu'il accomplit. Ce n'est pas un concours de popularité que Jésus recherche ici. Et je mentionne aussi que être témoin d'un miracle, c'est spectaculaire. Mais attention, on ne peut pas le rejeter le salut quand on en a été témoin. Parce que être témoin et renier ce témoignage-là, ça accuse ensuite. Et le témoignage dont toute la ville de Capernaum a été, le témoignage qu'elle a reçu, cette ville de Capernaum-là, mais ça va l'accabler, cette ville-là, plus tard, quand finalement, Capernaum va rejeter Jésus, va rejeter celui que Dieu lui avait envoyé. Et c'est pour ça que Jésus va prononcer un jugement sans appel à l'endroit de Capernaum. On le voit dans Matthieu 11. « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. » C'est sévère. Mais Capernaum avait bénéficié de quelque chose d'extraordinaire que les autres bourgades n'avaient pas eu. Et ça ne l'avait pas empêché de rejeter Jésus. On arrive au troisième type de miracle, la purification d'un lépreux, à partir du verset 40. À ce moment-là, Jésus s'est remis en chemin. Il a parcouru la Galilée pendant un certain temps qui n'est pas précisé. Et il effectue un miracle d'un tout autre type. Un lépreux vint à lui, le suppliant, et se jetant à genoux devant lui, et lui disant, « Si tu veux, tu peux me rendre net ou pur, selon les versions. » J'aime bien le mot « net » ici. « Net » veut dire « propre ». Lisse, sans tache. Donc, ce lépreux-là avait sûrement entendu parler de Jésus. Il ne se serait pas présenté devant Jésus s'il avait complètement ignoré qui il était vraiment. Donc, il a entendu parler des miracles que Jésus accomplissait en faveur de tant de malheureux. Et Jésus se trouvait là, en contact avec toutes les misères humaines. Il se trouvait là parce qu'il le voulait, Jésus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça ne se fait pas par hasard. Parce que Jésus avait déjà résolu de guérir ce lépreux. C'était son intention. Et plus loin, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur, sois net. » Donc, non seulement le lépreux a trouvé en Jésus de la volonté et de la puissance, mais il a aussi trouvé toute la compassion produite par l'amour parfait de Jésus. Et ce qui est étonnant ici, c'est qu'une personne aussi sainte que Jésus, aussi parfaite, aussi pure, aussi nette, donc Jésus, c'est une personne dont la sainteté est absolue. Mais il pouvait quand même se permettre de toucher une personne impure. Il pouvait se permettre de toucher une personne dont la grande souillure pouvait lui-même le souiller. Et pourtant, Jésus n'a pas été souillé par l'impureté de cette personne-là qui l'a guéri. D'une manière symbolique, c'est encore une fois un miracle ici. Mais je vous rappelle le contexte juif, je vous rappelle le contexte hébraïque. La lèpre, spécialement la lèpre, c'est une figure du péché. La lèpre, ça contaminait quiconque qui entrait en contact avec elle. Et les lépreux et la lèpre, en tant que telle, sont associés à l'impureté, et particulièrement à l'impureté du péché. Si vous voulez plus de détails, je vous conseille d'aller voir le chapitre 14 du Lévitique, qui donne beaucoup d'instructions à ce sujet. Donc, la réalité de l'impureté liée à la lèpre, c'était une réalité très forte dans le contexte hébraïque dans lequel nous sommes, en Galilée, parmi les Juifs. Et c'est un contexte, ça a une connotation très forte depuis les ordonnances du Lévitique dans le peuple d'Israël. Mais malgré tout, à cause de l'intervention de Jésus, le lépreux va être rendu pur, juste au contact du Fils de Dieu, juste à cause de ça. Le Fils de Dieu qui est descendu jusqu'à lui, lui l'impur, lui l'insignifiant, lui l'homme promis à la mort. Parce que la lèpre, je vous le rappelle, à l'époque, c'est une maladie incurable. Et ça l'est encore dans certains pays du monde. Moi-même, j'en ai déjà vu des lépreux quand j'étais jeune. C'est pas beau à voir. Mais Jésus est parfait et sa pureté est parfaite. Et le Fils de Dieu, l'homme Dieu, dans son humanité, il a le pouvoir d'ôter la souillure. Ce thème-là m'amène à un autre thème. Je vais comme glisser dans un sous-thème. Je vais parler de la guérison. La guérison, c'est comme une image du salut qui est opérée par Jésus, Fils de Dieu. Je l'ai mentionné tout à l'heure, Jésus guérit tout le monde. Il guérit tout le monde sans aucun échec. Peu importe la gravité du cas qui lui est présenté ou le genre de maladie, il n'y a rien d'impossible pour Jésus. Parce qu'il y a assez de pouvoir en lui pour guérir tout le monde, pour guérir tous ceux qui s'approchent de lui. Il va le faire à Capernaum, mais il va le refaire ensuite à de nombreux endroits, à de nombreuses reprises durant son ministère jusqu'à la croix. Ce n'est pas la première fois et ce n'est pas la dernière fois qu'il va le faire. Donc, si le réservoir de miracles, c'est un réservoir, ça ne s'applique pas ici à Jésus. Sa puissance est infinie. Et cette œuvre-là de guérison qu'opère Jésus, elle est universelle et elle est gratuite. C'est une œuvre de guérison qui illustre quoi? Qui illustre un des grands principes du royaume de Dieu, c'est-à-dire la grâce et le pouvoir de Dieu. La grâce et le pouvoir de Dieu opèrent pour le salut de quiconque croit. Ça, c'est l'une des grandes vérités qui se trouve derrière le thème de la guérison. Puis on l'a vu dans le, lorsque Jésus va guérir le lépreux, Jésus est ému de compassion. Et la guérison des malades qui est opérée par Jésus, là, elle est motivée par une réelle compassion pour les souffrances du corps. Jésus a vraiment ça à cœur. Cette réalité-là l'émeut. Et l'évangile de Marc particulièrement, où Dieu dans son évangile, à travers Marc, il nous montre à quel point l'autorité de Jésus, c'est avant tout un déploiement de vie, c'est un déploiement de salut. Vous me voyez glisser là, de guérison vers salut, j'y arrive. Parce que pour Jésus, la guérison, c'est un geste de salut. Et là, c'est intéressant, parce que le français a gardé ce sens ancien-là, hein? On va faire un peu d'étymologie. Je vais le laisser afficher derrière moi. Mais en latin, santé et salut ont le même sens. Ça veut dire la même chose. Et dans les évangiles, il n'y a pas vraiment de distinction qui est faite entre guérison et expulsion de démons. Les deux vont de pair. Les deux vont ensemble, les deux suivent une même logique parce qu'elles expriment la puissance de Christ à travers son combat avec Satan. Et la maladie physique, ce n'est pas seulement un effet d'un mal purement physique. Ça affecte tout l'homme comme conséquence et comme signe du péché. Donc, les guérisons de Jésus, ça traduisent aussi, ça annonce aussi la venue du royaume, qui demande pour unique condition. Qu'est-ce que ça demande comme condition? La foi. Donc, les guérisons que Jésus opère ont un sens immédiat, ont une réalité immédiate, mais sont aussi l'annonce de la guérison définitive qui s'en vient grâce au salut en Jésus-Christ, donc du triomphe sur la mort par le moyen de sa résurrection. J'achève. En fait, j'en suis à ma conclusion. Je l'ai dit tout à l'heure, Marc débute sur une affirmation, Jésus est le Fils de Dieu. Donc, c'est l'affirmation divine de la nature de Jésus-Christ. Hein? Et l'autorité de Jésus impressionne. Il impressionne par ses paroles, il impressionne par les gestes qu'il accomplit, des gestes proprement miraculeux qui appartiennent seulement à quelqu'un qui a une autorité divine, qui vient du ciel. Et si Jésus a une autorité divine, si lui-même est le Fils de Dieu, le reste, ça va de soi. Et ça oblige le lecteur à prendre position. Donc, si Jésus est le Fils de Dieu, forcément, il est aussi le Messie annoncé. Donc, l'appel est lancé. L'appel est lancé à qui? Aux hommes et aux femmes. L'appel est lancé de le reconnaître et de le recevoir entièrement. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, je cite ici, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2,4. Dieu veut que tous ceux qui entendent sa voix reconnaissent que Jésus est le Fils unique du Dieu vivant, donc qu'il est Seigneur et qu'il est Sauveur. Car celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, tandis que celui qui va refuser, celui qui refusera de croire, sera condamné. Marc 16, 16. Je fais un petit pas de côté et je reviens sur le cas du lépreux qu'on a vu plus tôt. Je l'ai dit tout à l'heure, la lèpre, c'était une maladie incurable. Et je l'ai dit aussi tout à l'heure, c'est une figure du péché. Donc, le lépreux devait se tenir à l'écart de toute société et il devait crier devant lui « impur, impur » pour forcer tous les gens bien portants à s'éloigner de lui. Donc, il devait vivre constamment au banc de la société, à l'écart. C'est une vie de misère. Mais Jésus est venu apporter guérison et délivrance. Et bien sûr, pour le Seigneur, aucune souillure, aucune plaie ne peuvent le laisser indifférent. Et ce qu'on remarque ici, c'est que le lépreux est convaincu de la puissance de Dieu. Il est convaincu de la puissance de Jésus, puisqu'il va s'approcher de lui. Il va s'adresser à lui, il va se prosterner devant lui, il va réclamer, il va lui demander d'être délivré. Mais ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il doute de sa miséricorde. Parce que le lépreux est habitué au rejet, il est habitué à d'être mis à l'écart. Et il va se demander si Jésus va répondre favorablement à sa faveur. Remarquez comment il s'adresse à Jésus. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » C'est comme une foi mêlée de doute ici. Hein? Il croit en la puissance divine, mais il doute au sujet de son amour. Mais savez-vous quoi? Ce lépreux-là, il ressemble beaucoup. Il ressemble beaucoup à tous ceux qui refusent de se tourner vers le Seigneur parce que, il pense qu'il pourrait être guéri, sauvé, mais il doute de son amour. Il doute de la bonté de Dieu à leur égard. Ils peuvent se croire trop insignifiants pour que Dieu s'intéresse à eux. Peuvent se croire trop insignifiants pour espérer quoi que ce soit de la part d'un être aussi puissant que Dieu. Donc Jésus ne serait pas assez bon pour les sauver. Mais penser de la sorte, c'est se fourvoyer, hein, pour son plus grand malheur. Parce qu'on l'a vu, et c'est un principe qui est applicable une fois pour toutes, Jésus ne refuse personne. Et cet épisode-là du lépreux le prouve assez bien, de façon éclatante. Il ne refuse pas le lépreux, il le guérit, le lépreux. Il a étendu sa main pour purifier ce malade qui était impur et contagieux, qui était repoussant. Jésus l'a guéri. En plus de ça, il était ému de compassion à son égard, et Jésus est ému de compassion envers l'ensemble de sa création, en passant. Jésus est bouleversé devant les multiples souffrances qui sont occasionnées par le péché. Parce que tous les êtres humains la subissent, cette malédiction-là du péché. Et pourquoi Jésus, d'ailleurs, est-il venu sur terre s'il n'était pas ému de compassion pour notre sort? Parce qu'il est venu ici sur terre pour nous réconcilier avec le Père, pour nous donner la possibilité de retrouver, de nous réconcilier, de retrouver le chemin de paix et le chemin de la vie. L'amour de Dieu est merveilleux, hein, puisqu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3, 16. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 16, 17, 18. Donc Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Et pas parce qu'on est persuadé qu'on est bon. En fait, il nous aime d'un amour pur, et pas parce qu'on l'aime en retour. Un amour qui ne peut être que reçu et accepté, hein, l'amour que Dieu nous adresse. Et Dieu, dans son amour, ne tient pas compte de nos péchés, parce qu'il nous pardonne et il nous accueille. Donc, si vous n'avez pas encore été guéri ou touché par Christ, tout ce que je vous dis, c'est que ne doutez plus une seconde de son amour. Il est là. Ne craignez pas non plus de vous adresser à Dieu, à Jésus, le Fils de Dieu, en lui demandant de vous rendre pur à votre tour. Et à vous aussi, il va dire, « Je le veux, sois net. Sois net de ton péché. Sois purifié de tout ton passé. » C'est ça qu'il va vous répondre. Je vous exhorte à suivre l'exemple de cette foule-là qui se présentait à Jésus dans l'espoir d'être guérie. Faites la même chose. Présentez-vous à Jésus afin de recevoir vous aussi la guérison. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Hein? Jean 5, 24. Donc, pour tous ceux qui ont reçu Jésus déjà comme leur sauveur personnel, bien, puissons-nous plutôt laisser son enseignement continuer de nous guider avec sa pleine autorité dans notre vie quotidienne. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu, qui n'ont pas encore cru en lui, puissiez-vous vraiment être délivrés de la résistance qui vous empêche de vous tourner encore vers Jésus, qui vous empêche de bénéficier du pardon des péchés et de la paix de cœur que donne l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle. L'assurance de la vie éternelle en présence de Dieu. Et puissiez-vous vous exclamer également comme David dans son psaume qui dit « Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité. » Psaume 32. Amen.